ne vit qu'une fois, la vie est brève. Aussi tout homme a le droit d'être heureux, d'avoir sa part des plaisirs et des rêves, de manger à sa faim, d'avoir un lit moelleux. Oui, c'est son droit le plus élémentaire. Mais a-t-on jamais vu sur cette terre un seul homme qui ne se plaigne pas? Chacun son dû et c'est la fin des guerres. Les circonstances ne s'y prêtent pas. Il serait beau d'être bon, de dire je te pardonne, ce que j'ai, je te le donne. Il serait beau d'être bon, il serait beau d'être bon. Pratiquer la bonté, on le voudrait. Donner ses biens aux pauvres, pourquoi pas? Car le règne de Dieu s'accomplirait. Et qui ne voudrait marcher sur ses pas? Pratiquer la bonté, on le voudrait. Mais elle a sur cette triste planète, la vie est dure et l'homme est scélérat. Qui ne rêve d'une existence honnête, les circonstances ne s'y prêtent pas. Hélas, il n'a que trop raison, le monde est dur, l'homme est mauvais. On voudrait que la terre soit un paradis, les circonstances s'y prêtent-elles? Non, justement, je vous le dis. Ton frère et toi ne faites qu'un, mais si tu manges et qu'il a faim, prends garde alors à son couteau. Être fidèle, c'est bien beau, mais l'amour ne dure qu'un temps. Tu n'auras pas toujours 20 ans, ta femme en prendra un plus beau. Prends garde alors à son couteau, tu te dévoues pour tes enfants. Tu crois qu'ils sont reconnaissants, mais prends bien garde à leur couteau. Être humain, ce serait trop beau. Tout ça est lamentable, on est bien misérable. Le monde est dur, l'homme est mauvais, et là, il n'a que trop raison. Bien sûr, je n'ai que trop raison, le monde est dur, l'homme est mauvais, on se serait bon si on pouvait, les circonstances ne s'y prêtent pas. On serait bon si on pouvait, les circonstances ne s'y prêtent pas. On n'en viendra jamais à bout, le monde ne vaut pas un clou. Le monde est dur, l'homme est mauvais, je suis navré mais j'ai raison. Tout ça est lamentable, on est bien misérable, on n'en vient.